Bienvenue à toi! The Bad Trip Village in the Magic Valley. Ces chasseurs, ces frimeurs, tombeurs de merde, tous ces pseudomètres de valets, carbure au pastis, ça vote maigri. Ça insulte, tu rien en rime, et ça lui suce la bite des quatre princes à gagner. Il attend mieux 2007 pour voter Jean-Marie. Il se balade avec son 12 à la main, il tire sur les opposants de le sec, bouger les 2000. Caminite l'a prouvé, en race campagne, c'est bourré de cons de racistes qui partent à la chasse, bourré au pastaga, écoute un peu le langage de leur coalition. Putain, pastis, ce gré veut chasse, allez l'OM, tu viens au bar, enculé. Y'a les Indiens dehors, ils font du hachis, sortons de ce polo, on va aller s'amuser. Et ces langues de pute, ces commères, ces vieilles qui surveillent tous tes mouvements, elles aiment pas les étrangers dehors, des eux non plus. Réécrivent les livres d'histoire, de toire, avec leurs mensonges et leurs ragots. N'aiment pas les chômeurs, veut pas de filles mères dans son village. Qu'elle dit, pas ses journées à te questionner, sans deck, elles doivent être du KGB. De leur partie. T'as vu hier devant la porte du 5 rue des Bourges, le chien a terminé, il a largué une crotte. Ça me fait une belle jambe. Ouais, franchement. Toi, et ces pseudo 68 arts qui fument pour la convivialité, qui gratte jusqu'à en crever, faux révolutionnaire. Essaie de trouver le bon plan pour pas travailler. Et leur humour à deux balles, que seuls sont les détenteurs du rire, s'habillent en baba cool. Ah non, non, ils sont pas très cool. Ils votent Noël, ma mère, et qui va pas José Bové. Joue le clochard avec sa caisse à deux balles, mais derrière sa veste, sa carte bleue déborde. Écoute un peu le langage de leur horde. Putain, Sandek, c'est abusé, y'a trop de pollution là. Tu viens, on va à McDo avec mon diesel. Toi, et son pseudo rappeur de merde, il se prend pour qui à nous insulter, nous dénoncer, c'est un menteur. C'est commère, on se croit où, on n'est pas en cité, ouais, quoi. Pas la peine de le citer, il se reconnaît, hein, avec ses tests dénonciateurs, annonciateurs de malheur et provocateurs. Ils élèvent leurs enfants comme des rois, privilégiant le vin à 12 ans, coup de pied dans la bougie, les passages faut qu'ils soient à leur image, faut rien faire avant le mariage, tu verras. Ici, y a pas de brassage ethnique, y a pas un seul noir, pas un seul métis, pas un seul beurre. Et non, y'a que des blancs. Et on ne veut pas d'étrangers. J'ai compris. Et ton voyage ethnique, je m'en fous. D'accord?